Aujourd'hui, le lundi 20 août 2018, je dédie cette émission à mon ancienne amoureuse, décédée subitement à l'âge de 39 ans, Christine Julie Leblanc. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Bonsoir, comment ça va? Nous ferons une belle émission, je vous le jure. Comme dit un Français, le spectacle continue. Comme on le mentionne en anglais, the show must go on. Aujourd'hui, imaginez-vous, j'ai roulé en scooter. Parce que là, on est déjà rendu vers la fin. On sent malheureusement l'amertume se pointer, un peu comme dans une bière. Faites attention, vous savez que je suis un professionnel de bière. Donc, l'amertume commence à nous monter au nez. Non, ce n'est pas la houle de l'existence, mais c'est les saisons qui passent. Les saisons qui passent, jamais n'est facile. Les souvenirs des beaux jours, toi de les yeux, toi qui me les yeux, tant de tendresse et de degrés. Et j'ai été manger ma pizza dans un lieu public, un parc, où c'était, attachez-vous bien, s'il vous plaît, c'est pas juste la nuit qu'on s'attache, là, hein? Madame Thibodeau, des activités un peu underground? Oh, elle aime ça se faire attacher. Moi, je me fais attacher la couche. Un point, c'est tout. Et je me couche. Au tapis. Premier round. Un, deux, trois. Uppercut. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est ça. Je me suis rendu dans un banc public. Sur un banc public, pas dans. J'essayais de rentrer dans un banc public. Aïe, aïe, donc. Scooter, bing, bang, les pneus. Pff, tout était vraiment prêt à finir et puis à être vendu dans des sites étranges quand tu dis « Oh, ma bagnole, hyper classe, appartenue à trois curés qui étaient mariés. » Et non, c'est impec, là, la petite dame qui connaît rien dans les véhicules. « Je vais aller voir ça, madame, monsieur, madame. Non, je suis monsieur. Monsieur, je vais aller voir ça, monsieur. » Et donc, la dame y va. Excusez-moi, j'ai éternué. La dame y va. Puis là, juste parce que dans sa tête, là, c'est curé, ça sonne curé. Elle peut pas dire non. Elle a même pas fait... elle a même jamais rentré la clé. Elle l'a acheté. 5 000 $. Une voiture de 1983. Les pneus n'existaient pas. C'était sur des briques. Le gars, il dit, « Ah, ouais, écoutez, ça, là, vous l'achetez comme ça, là, les pneus, vous pouvez avoir ça pour 3 fois rien. » Acheter des pneus qui appartenaient à des curés, à des frères, à des sœurs, à des religieuses, à des religieux. Ça va rouler dans le bonheur, ça va rouler dans la paix totale, ça va rouler vers le chemin de Dieu. Et là, la dame, elle dit, « Non, mais j'achète. Mais où sont les pneus? » Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais allez voir sur les sites où vous nous avez trouvés. Là. Puis il y a quelques bons vendeurs qui vont vous rappeler puis qui vont dire venez nous voir, puis venez rouler avec votre voiture à 4 briques et vous allez sortir vos briques et vous serez heureuse. Donc, j'achète. Tiens, elle était compulsive, elle. Là. Et puis, bon, elle déplie, elle remet. Elle remet l'argent. Et puis, j'ai pas oublié mon histoire sur les bancs publics. Faites-vous-en pas, monsieur. Vous êtes inquiet, hein? Je vois que vous avez l'œil, le glaucome allumé qui coule un tantinet, hein? Allez voir votre logiste. Le logis des yeux. C'est optimal. Et puis, donc, la dame la jette. Accepte ce marché presque pieux d'une voiture appartenue à 3 membres d'une même enseigne qui s'appelle les curés des foi chrétiens. Donc, elle remet l'argent, puis elle dit, « Écoutez, ça a été gagné à la sueur du front de mon beau-frère. Réginald Boisclair, oh mon Dieu, que Dieu ait son âme et qu'il lâche la mienne. Ah oui, lui, il a travaillé toute sa vie. Il était spécialiste. Bien payé, un spécialiste est toujours bien payé, normalement. Madame Thibodeau, normalement. Lui, il séparait les grains de sésame de tous les pains qui lui tombaient sous la main. C'était son travail. Et puis, une fois qu'il avait tout enlevé les grains de sésame d'un pain aux grains de sésame, on le vendait blanc. Parce que ça, dans cette commune-là, parce que c'était en Suisse, citoyen en Suisse, imagine-toi, c'est pas de la musique, mais c'est de l'argent en Suisse. C'est plus payant que de l'argent québécoise. L'argent québécoise, ça vaut rien. Ça n'existe même pas. C'est pas encore. Non, on devrait mettre ça au monde. Venir au monde. Ça vous, c'est de qui ça? Sylvain Lelièvre. Hey, quand même! Et puis, donc, ouais, c'est ça, son travail, c'était d'enlever les grains de sésame. Et par la suite, le soir, il y avait une double casquette. Tu sais, c'est comme moi, là, je fais de la radio, mais je suis agent secret. Je suis un agent secret, très secret. Très, très, tellement secret là, que moi, je sais même pas qu'est-ce que je fais. Ils m'ont dit, Montréal, suis des études. J'ai suivi des études, là. C'est comme dans les hôpitaux. Les gros hôpitaux, qu'est-ce qu'ils vous disent quoi? Suivez les lignes. Hein? Quand c'est l'urgence, c'est la ligne rouge. Tu suis la ligne rouge, puis à un moment donné, tu vas te rendre à l'urgence. Fait que moi, c'est ce qui est arrivé. J'ai suivi le chemin qui m'était consacré. Pas facile, là, parce que c'est pas un plancher. Là. Des fois, il y a du gazon. Pas du gazon, mais du gazon. Puis des fois, c'est de la terre, la terre glaise. Sans parler des mouvants, tu sais, ce qui bouge. Puis qui... tu marches là-dessus. Faut pas boire ma bière artisanale parce que ça donne un peu de... Ça rentre dedans. Ah, mon Dieu, ça rentre pas plus dedans qu'autre chose, là, mais c'est quelque chose. Ça dépend quelle sorte que vous prenez dans ma bière. Et c'est lui, il analysait ses rendements. Et son deuxième emploi, qui était un peu plus underground, c'est qu'il revendait ses grains de sésame-là. Il y avait trois catégories, un peu comme les petits pois. Les petits pois verts, là, il y a trois catégories. Lui, c'était médiocre. Ça, c'était tous les brûlés, là. Hein, ou les trop secs, là, ceux qui te font perdre une dent quand tu... Aïe, aïe, dent! Ça te coûte 250$ de, hein, pour remettre au monde cette... Remettre au monde, non. Cette dent-là. Hey, les dentistes, là, j'en ai parlé il y a quelque temps. Oh, mon Dieu! Moi, j'en arrache là-dessus. Ah, j'en arrache. Et l'histoire veut que le deuxième grain de sésame, deuxième catégorie, ça, c'est médium. Hein, non, mais c'est pas compliqué, lui-là. Lui, c'est rien compliqué. Medium, c'est-à-dire que, bon, c'est potable. Ça n'a pas été réussi encore pour être en haut, tu sais, dans le sommet, au zénith. Mais on ne peut pas non plus négliger. Hein, on peut pas, ça aurait pu devenir. Ça aurait pu devenir. C'est comme ma bru. Ma bru, ça aurait pu devenir une chanteuse colérique, ça. Et ça. Parce que quand tu apprends les mouches, elle les prend et elle les mange. Puis après ça, elle a une voix qui s'envole. Et comme ça. Et comme ça. Puis je me suis plié en deux, pour ne pas dire en quatre, pour lui placer dans des petits pots, des petites mouches, histoire que quand elle mange trois, quatre petites mouches, là, sa voix se met à voler. Comme ça, elle pourra faire des albums puis me rapporter des bidous. Pas fou, hein? Non, mais il a l'air. Mais quand vous me voyez, là, j'ai l'air. Et quand vous m'entendez, c'est encore pire. Et le troisième grain de sésame, ça, c'est le grain de sésame élitiste. Ça, là, c'est pour les puristes, là, les gens qui ont des lunettes très... sur le bout du nez. Et puis là, mon beau-frère n'a pas peur de mettre ça entre les mains des spécialistes, des puristes, qui, là, sont là devant un grain de sésame. Ah, ben là... On peut reconnaître la pureté du grain. Le vieillissement, vraiment, non pas prématuré. Oh non, il a été choisi selon les conventions les plus divines. Ah, c'est un grain de sésame qui est presque, à nos yeux, qui devient presque sacré. C'est un grain de sésame que l'on peut qualifier de grain premium, de haute qualité. Nous n'avons point étudié l'anglais. On ne peut pas dire premium. En tout cas, en haut de l'échelle, plus haut que ça, là, tu touches au mon Dieu. Ça fait que là, qu'est-ce qu'il a fait, mon beau-frère? Il vend ça à des prix de fou. C'est aussi cher qu'une perle rare. Qui est mon épouse, Gaétane Tremblay, c'est une perle rare. Ah, hey! Elle te dit de laver un plancher, tu y vas, t'as tellement peur. Elle te regarde, là, elle n'a plus de dents. Elle n'a plus de dents parce qu'elle rage tellement, là, qu'avant ça, c'était interne, là, c'est externe. Elle ramollit toutes ses gencives pour que ça tombe, que ses dents tombent, histoire de mâcher ses dents. Puis là, quand elle n'est pas satisfaite, elle crache une dent. Elle crache l'autre. Mais après ça s'arrête. Là. Elle n'a pas 52 dents, elle. Elle a 52 ans, mais pas 52 dents. Pardon? Vous voulez une petite chanson? Pas vrai. Vous connaissez Gilles? Non, mais je vous le présente. Thank you. fais pas de manière quand il s'agit de s'esquinter, de fricoter avec l'enfer comme si de rien n'était, car tu tiens tellement à te perdre pour ne plus te retrouver, mais aussi pour te déplaire, pour enfin t'étonner. Mais tu as voulu rendre tout ce que la vie t'avait prêté, une bouche, un cœur, quelques membres. On est tous alloués, une bouche, un cœur, quelques membres. Vraiment civilisé, tu préfères te faire prendre pour un parfait cinglé qui prend tout ce qui est bon à prendre du moment que c'est mauvais, que ça peut te suspendre un fil qui a lâché. Mais tu as voulu rendre tout ce que la vie t'avait prêté, une bouche, un cœur, quelques membres. On est tous alloués de janvier à décembre pour quelques années, de janvier à décembre. Comme toutes les gamines, j'avais peur dans le noir des choses qu'on imagine cachées dans le placard. Les monstres de pénombre ne résistaient jamais quand s'allumait dans l'ombre ma lampe de chevet. Et j'ai béni souvent dans ces petites paniques les bras de ma maman et l'ampoule électrique. J'avais en ce temps-là des leçons à apprendre, de l'encre sur les doigts et le monde à comprendre. Professeur de piano ou maîtresse d'école ont fait voler plus haut mon âme de luciole. Et je jouais à survivre dessous mes draps en cloche à la lueur d'un livre et d'une lampe de poche. J'ai fait feu de tout bois, amoureuse tant et plus, que la lumière soit, et la lumière fut. J'ai grillé des ampoules, cramé quelques lampions, les nuits où l'on se saoule, de fêtes sans passion. Mais j'ai eu pour la gloire, en lettres de néon, brillant sur les boulevards, la moitié de mon nom. Sur ma vie en morceaux, quand trop tôt viendra l'heure de l'ultime faisceau du dernier projecteur, je penserai sans doute à ces quelques lumières qu'on croise sur sa route, qui l'anime et l'éclaire. Les lustres de cristal, la lampe d'Aladin, une lanterne, une étoile, ton sourire ce matin. Non. en vacillera cette flamme qui est moi, cette loupiote nue, ce petit feu de joie à l'ombre des douleurs. Et pour les faire taire, je veux pouvoir moi-même éteindre la lumière. Oh, c'est Juliette sublime que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années. C'est... Ah, oh, c'est beau. C'est bon, aussi bon que ma bière. Bon, et tu vas te lancer, toi, dans... Ah, oh, moi, je vais me lancer, puis je me... Non, je vais pas me recevoir. Ah, non, non, je veux pas recevoir un gars de même. Moi, je le connais. Je le connais, je le donne aux autres. Personne n'en veut. Mais l'histoire, là, de la pizza que j'allais manger, vous vous souvenez? Tout le monde a... Non, ça suit pas. Ça suit... Madame Thibodeau, ça suit pas. L'Audimat. Les auditeurs sont dépassés, ils savent plus à quel saint se vouer. Ce sera pas les vôtres, madame, vous aimez trop ça. Mais est-ce qu'on va... Non, on va le dire. J'ai pas peur de le dire. C'est bien. Non, ouais, c'est que l'histoire, c'est la suivante. Scooter, fin de l'été, tristounet. Mais quand même heureux, prend son scooter et s'en va manger sa pizza. Pizza qu'il avait commandée. C'est vrai, tout ce que je vous dis là, c'est vrai. J'ai l'air d'un... Oui, exactement, d'un clown. Je suis un clown. Oui, exactement. Je vais vous divulguer la chose. Parce qu'il y a des grades, hein. Et moi, je dégrade tranquillement, selon la convention clownesque, mais je suis clown troisième dan. Vous allez voir. Surtout entendre, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, à part votre radio. Dites bonjour à votre radio. Bonjour, CKRL, bonjour, parce que vous êtes sur CKRL, 89.1 à Québec. Et là, c'est que j'ai voulu aller manger ma pizza dans un endroit, pas triple oignon, mais de double portion d'oignon. Comment j'ai dit ça à la fille, là? Puis en plus, elle est sublime, elle est tatouée de partout. Oh là là là là là là. Puis, elle voulait avoir du pourboire parce qu'elle était là pour me faire voir. Et donc, j'ai dit, mademoiselle, très chère. Puis en plus, elle a un beau sourire, un rayon de soleil. C'est un cadeau du ciel. Dès qu'il est avec nous, ça change tout. Un rayon de soleil, non, c'est une chanson d'Enrico Macias. Un rayon de soleil, c'est un cadeau du ciel. Dès qu'il est avec nous, ça change tout. Oh, oh, oh, oh, oh. Je lui commande, ah oui, je sais, ma pizza traditionnelle, pepperoni fromage et extra oignon. Ce qu'elle m'a répliqué. Elle dit, ah, vous allez avoir la laine passablement. Ouais, ça me dérange pas. Je frencherai pas une fille ce matin. Normalement. Elle s'est retournée. Elle a été faire ma pizza. Et lors de son retour, j'ai pu examiner sa beauté. Et elle m'a remis la boîte. J'ai dit, merci beaucoup, mademoiselle. J'ai quitté. J'ai accroché ça à mon scooter. Oui, parce que j'ai un genre de filet avec des petits crochets. Mes crochets, je les place après mes sacoches parce que j'ai des sacoches. Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, j'ai dit à un client qui avait acheté plein de trucs puis qui était en moto, j'avais vu son casque. Moi, je suis vite. Quand je vois quelqu'un avec un casque, il est en moto, lui. Là, il n'est pas à pied. Là. S'il est à pied, il a risque de chute. C'est les préposés disent ça, hein, ou les médecins ou les infirmières. Ouais. Mon bénéficiaire, là, il y a risque de chute. Il peut tomber par terre. Donc, on va y mettre un casque. Je me suis dit, peut-être que c'est ça. Mais, comme il est dans une épicerie, je sais que c'est son moyen de locomotion. Hein, ça va vite dans ma tête, hein? C'est pas pire, hein? Et puis, non, j'ai dit, voulez-vous un sac ou si vous allez mettre ça dans vos sacoches? Parce que moi, j'en ai deux sacoches à gauche et à droite. Il me dit, les sacoches pour les femmes. Oh, j'ai dit, on est devant la droite profonde. Oh là là là là là. C'est parce que moi, j'ai un scooter électrique. Pas un scooter comme vous, là. C'est pas Harley Davidson. Pouit, pouit. Hey, on devrait l'entendre, c'est ça. Ce serait bon d'entendre Harley Davidson de Serge Gainsbourg. Je ne reconnais plus personne sur Harley Davidson. Poum, poum. Là, j'ai dit. OK, d'accord. Je peux pas trop y parler. C'est un gars, t'sais, la droite profonde. Je ne cache pas les femmes, là. Je suis pas une femme, là. Regarde-moi, j'ai une moustache. Pas une femme. Quoique, les moustaches, Freddie Mercury, elle avait une petite moustache. Et puis, donc, tu sais, la mode des moustaches, les petites moustaches, là, finement, comme les Anglais. Les Anglais ont des petites moustaches, pas les Anglaises. Les Anglaises ont la moustache plus basse. Mais c'est dans leur convention, hein? C'est surtout dans leur gène. Et puis moi, je suis pas gêné de regarder la moustache très basse. Haute ou basse, c'est comme la marée. La marée, moi, je m'en dévais, je meurs dans ma petite mare. Non, ça c'est Léo Ferré. Et puis, donc, non, mais c'est un animal précaire, ce gars-là. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ah oui, mes oignons. Fait que là, je m'en vais avec mes oignons aux pieds puis dans ma pizza. J'accroche ça sur mes sacoches. OK, j'étais rendu là. Merci, coulisses. J'avais attaché mon filet sur mes... Parce qu'il y avait des petits crocs sur les sacoches. Je m'en vais. Puis là, j'arrive dans un petit parc où il y avait... Attention, mademoiselle, madame, monsieur. C'est très sérieux. Il y avait un tournoi de... pétanque. Mais là, le tournoi, c'était régional. Et ça qualifiait les gens pour aller au provincial. Et là, c'était sérieux. La tension était palpable. Et là, ça m'a pris 15 minutes à ouvrir ma boîte. J'avais peur. Tu sais, c'était comme le match de hockey, là, hein, la finale, au soccer, tu sais, la bande de soccer là, qui se transporte le ballon. Dans les douches, se transporte le savon. Tu sais, c'est comme ça. Hein, du savon au ballon, on n'est pas loin. Ça fait que moi, là, j'ai dit, oh là, on est devant. J'étais en plein match. Quand je me suis installé, tout le monde m'a regardé. Puisque j'étais en retard, tu sais, il y a un spectacle. Là. Tu ne vas pas voir un spectacle de Peter Gabriel quand tu es en retard. Ah non. Tu restes derrière et tu écoutes le spectacle derrière. Tu ne vas pas déranger tout le monde en disant « Je suis un enfoiré, j'ai oublié de rentrer. Là. Je suis un enfoiré, j'ai pas eu l'heure. » là. Tu restes en arrière puis tu acceptes le spectacle. Même si tu as acheté le billet en avant. Imagine-toi en avant, Peter Gabriel va s'arrêter. Vous dire, hey, écoute-moi, mon champion. Tu arrives un peu avant, là, tu me déranges. Ça fait 25 minutes que je suis dans plein. Hein? Puis je monte. Moi, là, moi, je suis comme ça. Moi, je commence mes petites chansons, puis après ça, je rentre dedans. Là. Puis là, tu es presque dans le milieu où je rentre dedans. Là, tu me déranges. C'est comme la petite madame qui a son cellulaire qui sonne pendant le show de Peter Gabriel. Qu'est-ce que tu fais? T'allumes les lumières, tu dis hey, « Madame, non, allez-vous-en, on ne veut plus rien savoir de vous, on va détruire votre billet à la sortie, puis vous ne revenez plus jamais voir un spectacle de Peter Gabriel, parce que c'est moi Peter Gabriel, c'est inacceptable! » Saviez-vous que Peter Gabriel parlait français? Saviez-vous que Peter Gabriel, sa mise en scène est faite par un Québécois, Robert Lepage, souvent, très souvent, c'est pas une blague ça là. Côté francophone, c'est pas Iggy Pop. Iggy Pop adore la francophonie. Peter Gabriel, je sais pas. Donc, l'histoire, manger ma pizza extra oignon devant un tournoi de pétanque. Là, il y avait un Français et 5 Québécois. Et le tir du cochonnet a fait arrêter le match. Le cochonnet n'était pas légal, selon les 5 autres, là. Et là, le Français dit, hey, « Savez-vous d'où vient... » Puis c'est vrai ce que je vous dis là. « Savez-vous d'où vient la pétanque? Ça vient de Marseille. On connaît la pétanque. Marcel Pagnol, vous ne connaissez pas. Vous êtes des enfoirés, des trous de pète. » Et puis on demande au juge d'aller chercher la balance pour prendre le poids du cochonnet. Je le dis depuis le début. La tension était palpable. Là, j'ai arrêté de manger, je ne trouvais plus ma boîte, ma boisson gazeuse. Là, j'étais perdu juste avant. Et j'étais dans une aventure, la police va arriver. Ça criait, là. Là, le français, hein, le marseillais, dit, hey, vous ne nous demanderez pas comment fonctionnent les règlements, on le sait, on est de là-bas, on a inventé le sport, puis, ben, le sport de la pétanque, il paraît que c'est un sport. Et puis là, non, vous êtes une. Non, les enfoirés, puis là, j'ai dit, hey, un spectacle des enfoirés, c'est pas pire, le resto du cœur est là, Coluche! Ah, mon Dieu, il n'y avait pas de Coluche. Il y a Peter Gabriel. En passant, le cochonnet n'était pas réglementaire. Le français a été exclu. Fin de l'histoire. D'après vous, serait-ce une bonne idée d'écouter une belle chanson de Simple Minds? Ben oui, pourquoi pas? Et ensuite, je vous propose mon invité. Thank you. aussi, hein? Ils ne sont pas simples d'esprit, au contraire. Aujourd'hui, le lundi 20 août 2018, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement, narratif, unissons-nous autour de notre ami, mon ami, Marie Maninchin. Mais avant, je veux juste vous raconter un peu l'histoire. Je l'ai vu à Paris, il y a quelques années, jouer une pièce de Michel Tremblay. Je l'ai rencontré après la pièce. Et l'année dernière, j'avais eu des cancellations. Les gens s'étaient éliminés eux-mêmes. Et c'est ça, une cancellation, là, c'est quelqu'un qui dit « Ah non, moi, je ne peux plus, je ne veux plus, je suis perdu, c'est comme l'oiseau, ah, la vie est d'oppresse. » Ben, mais là, je me suis dit « Voyons donc! » Deux personnes ont répondu en 2017. Mademoiselle Marie Maninchin et Chloé Mons. Alors, je vous présente, heureux pour la deuxième fois, car nous l'avons rencontré il y a quelques années. Quelle année, je ne le sais pas. Ça, là, hey, écoutez, quelle année, je le sais. À quelle année nous sommes, je le sais-tu. Moi, là, là, je suis là, présent. Vivant. Moi, je suis vivant. Donc, en ce beau 20 août 2018, Marie Maninchin. Il agite assez de petits poings serrés à la hauteur de sa figure. Il tortillait son petit derrière moulé dans un pantalon lamé sur les coutures. Faisait des bonds, montrant qu'il savait danser sur des hauts talons argentés comme chaussures. Soulevait ses mèches de blond décolorées, faisant des tourbillons avec sa coiffure. La bousculade avait défait son brushing, mais maintenant ça n'avait plus d'importance, car plus personne. Jean C'était un monde de rêve, c'était un monde de fête, c'était un monde merveilleux. Il y avait Claude Edef, Patrick et ses paillettes, et il rêvait d'être comme eux. C'était un monde de rêve, c'était un monde de fête, c'était un monde merveilleux. Il y avait Claude Edef, Patrick et ses paillettes, et il rêvait d'être comme eux. D'accord. Ça va? Ça va et toi? Très bien. D'accord. Est-ce que tu veux te placer dehors? Est-ce que le soleil te dérange? Non, pas du tout. Parce que tu fumes, hein? Oui, mais c'est pas grave, ça, je peux ne pas fumer. Hein. Non, mais tant qu'à faire. Oui, d'accord. Ok. Ah. Normalement? Pardon? Merci. Non, je demandais si okay. On pouvait se mettre là. Oh. Ouais, normalement, je prends une petite marche, j'essaie de me perdre. Et je me retrouve au bout de 5 minutes pour revenir après. Ouais. Ça a été un peu plus long. Oh, mais c'est pas grave, hein, je viens d'arriver. Ah, c'est gentil. Ah, il fait beau, enfin, et quelle journée hier, vraiment, là. Super ensoleillé, un peu de nuages vers la fin, mais ça, c'est pas important. Hé, j'ai fait un dossier de presse, ma petite fille, comme un grand garçon à si peu de temps. C'est bien. Oh, oui, c'est bon, mais on verra après si c'est bien. Si mes sources sont bonnes, ça devrait être bien. Oui, il doit pas y avoir beaucoup de choses. Oui. Si? Oui. Ah ouais? Une petite dizaine. Ah oui. Ouais. Oui, c'est ça. Okay. Hein? Oui, c'est ça. Bon, voilà. En tout cas, déjà là, je suis moins stressé parce que normalement, je prépare. Mais là, j'ai eu. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est... Oui, oui, oui. C'est là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, oui, normalement, je prépare mes choses avant de partir pour Québec. Mm-hmm. Puisque ça se passe bien. C'est la première fois en 8 ans que tout le monde se désiste aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les astres sont mal placés. Mais peu importe, peut-être que la nouveauté. Va gérer autre chose intéressante. Voilà. Pourri, hein? Faut quand même être. C'est la preuve, c'est que j'ai 5 rendez-vous aujourd'hui. Ben voilà. Et au début, j'en avais un. Voilà. Les 4 autres se sont désistés. Alors, mais moi, ce qui. Bonjour, Marie. Bonjour. Ben en fait, tu connais l'accent, donc je ne ferai pas attention. Voilà. Hein? C'est bon. C'est très familier. Oui, ben, au pire, je te fais répéter. Hein? Ah oui, encore? Mais encore? Non, normalement, non. OK. Okay. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais, c'est vrai. Donc, mais en fin de soirée, un peu plus qu'à cette heure-ci. Oui. Oh, oui. Donc, sinon, tu as étudié avant tout, tu as fait une formation en théâtre, mais avant de faire du théâtre, ben là, tu t'es placé comme tout le monde pour des études classiques. Oui. Donc, tu sais ce que ça veut dire pour nous, des études classiques, c'est-à-dire un secondaire. Oui. Donc, un secondaire, ça équivaut au bac, mais oui. C'est cégep. Oui. Secondaire cégep égale le bac, c'est. Oui. Donc, là, il y a des bacheliers qui doivent pleurer actuellement. Aujourd'hui, peut-être. Ouais, ou bien, on ne sait pas. En tout cas, on leur souhaite la meilleure des chances. Parce qu'ils passaient leur bac aujourd'hui. Là, mais en fait, ils savaient ouais. le résultat aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu regardes les écoles, tu as la liste, hein? Tout le monde est là, puis c'est intéressant, j'ai pris des photos. Donc, il y a des gens qui rient, il y en a d'autres qui sont moins véhéments, sont plus silencieux. Ils courbent la tête, donc. Sinon, mais toi, tu as fait des études quand même à Reims, à Champagne. Une année, oui. Non, à Reims. À Reims, oui. Une année, oui. OK. Pourquoi tu as voulu... Tu as suivi tes parents ou... Non, pas, j'avais envie de changer. C'est tout. Alors, en fait, toi, très jeune, tu voulais te déraciner tes parents? Non. Bah, en fait, moi, je suis d'abord partie au Québec avant d'aller à Reims. Ouais, à l'Université Laval? Oui. Mm-hmm. En littérature? En théâtre. Ah, tu devrais voir parce qu'ils disent en littérature et tu t'es incorporé à Vélo Volé. Le Vélo Volé, c'est en France, oui. Bon, ils ont mis ça à l'Université Laval. Ah bon? Ah bon, en tout cas. Donc, tu as étudié à l'Université Laval, pourquoi? Pour le dépaysement? Oui, je rêvais d'aller au Québec. Donc, du coup, je suis allée à l'université en France. OK, oui. D'abord en France, mais pour pouvoir partir un an au Québec. Ah, OK, c'était un échange universitaire, oui. Ah, là, tu étais obligée d'aller à cette université française, parisienne? Bah, en fait, pour pouvoir partir en tant qu'étudiant, mais aux frais français, donc beaucoup moins cher. En fait, je dépendais de l'université en France, mais j'étudiais à l'Université Laval. Et c'est là que tu t'es ouvert au théâtre québécois? C'est là où j'ai fini... Ouais, en fait, moi, j'ai découvert Daniel Danis en 2000, à peu près. Et de là, j'ai eu envie d'aller étudier au Québec le théâtre québécois pour en connaître plus, parce que je trouvais pas beaucoup de choses ici, en fait. Mais qu'est-ce qui a été le déclencheur avec ce monsieur-là? Pourquoi? J'ai lu Cendre de Caillou et okay. Ça a été une vraie... j'ai adoré. Que vous avez pris récemment, ouais. Vous avez terminé au mois d'avril. Oui. Voilà. Et, et donc, c'est suite à ça, mais avant Cendre de Caillou, avant de croire que tu allais monter sur scène pour défendre cette pièce-là, lui t'a inspiré à venir à l'Université Laval. Voilà, c'est ça. Pourquoi? Parce que lui aussi avait des affinités... Lui, en fait, il m'a inspiré à venir au Québec. OK. Et après, dans le choix des universités en théâtre, donc quand j'étais en France, il y avait une liste d'universités possibles dans ma filière et mon choix s'est arrêté sur l'Université Laval. Parce que ce que tu recherchais était davantage... Parce qu'en fait, en théâtre, il y avait l'UQAM. Mm-hmm. Et elle est accessible sur concours, donc déjà je pouvais pas passer le concours en étant en France. Contingenté, c'est que c'est quand même plus difficile à rentrer. Voilà. Et l'Université Laval, c'était pas sur concours parce que c'est pas une formation de comédien pur et dur, c'est vraiment... Les enseignes, Il y a de tout et beaucoup de théories aussi, donc en fait c'était une université qui était valable en France. Et surtout, ça correspondait un peu à tout ce que tu voulais toucher. Tu voulais pas uniquement être comédienne, tu voulais être une touche à tout. Voilà. Puis ça, tu le savais au début ou si c'est ta force de... J'ai toujours aimé le chant, la danse, la musique. Ce qui fait que je me suis dit, ouais, c'est ouvert parce qu'il y avait un cours de théâtre et opéra. Il y avait un cours de théâtre d'intervention. Nous, on ne connaissait pas beaucoup. Enfin, moi, je ne connaissais pas en France, en fait. Enfin, il y en a, mais je ne connaissais pas. Enfin, il y avait vraiment... Je savais que j'allais faire autre chose. Et puis, je préférais Québec à Montréal. Pour la petitesse? Pour la découverte. Surtout pour la francophonie. Voilà. Tu parles espagnol, français. Oui. Donc l'anglais aurait peut-être été difficile pour toi. À Montréal, j'aurais été en français normalement. Ouais. Toi que de plus en plus, tu te fais répondre en anglais. Sur photo, je préférais Québec à Montréal. Ok. Oui. Et puis toujours maintenant. C'est plus français. Tu te reconnais quand tu vas dans le vieux Québec. C'est vraiment la petite France. Et puis c'est beaucoup plus central aussi au Québec pour pouvoir visiter un peu partout rapidement. Il y avait plein d'avantages à aller à Québec. Moins de stress aussi. Hein. Oui. Puis plus d'humanisme, les gens se connaissent rapidement. Ça, je l'ai découvert là-bas, mais c'est vraiment... Il n'y a pas de tabou. Non, et puis j'ai jamais regretté mon choix. Je suis allée visiter Montréal très rapidement, mais je n'ai pas du tout regretté mon choix c'est d'être à Québec. C'est ouais. encourageant. Ouais. Et encore aujourd'hui, tu as ton cœur à Québec, parce que tu as ramené avec toi des dramaturges qui tiennent à cœur. Voilà, en fait, en rentrant en France, j'ai fait une maîtrise sur le théâtre québécois en France, la diffusion du théâtre québécois en France. Est-ce que c'est bien? Est-ce des professeurs français ou québécois? en France. Ouais. J'avais des professeurs, j'avais une professeure québécoise. Okay. Étonnamment, enfin, ça a été un hasard. Ouais. Et après, et sinon, c'était que des professeurs français, mais il y avait dans les professeurs de la Sorbonne Nouvelle, donc là où j'étais, ouais, il y avait un professeur qui aimait beaucoup la dramaturgie québécoise, donc il m'a encouragée en fait à faire cette recherche. Et à l'issue de ma maîtrise, donc là j'ai fait un an, parce qu'en fait la maîtrise ça s'appelle le master. Okay. Et donc c'est en deux ans, master 1, master 2, c'est pas très compliqué. Et à l'issue donc de la première année, c'est là que j'ai décidé de partir à Reims parce que je pensais avoir fait le tour au niveau théâtre québécois. J'avais envie de faire autre chose, j'avais envie de changer de professeur, j'avais envie d'aller étudier aussi la culture espagnole. Voilà, c'est pour ça que je suis partie. Mais il y a même pas. D'accord. Merci. Vous voulez pas des jours aussi? Pas si vous voulez manger ou boire un verre. Toi? Je sais pas. D'accord, bah, je vous laisse regarder, je reviens voir. Mais... En quittant le Québec, la ville de Québec, tu as ramené avec toi aussi des auteurs que tu voulais peut-être proposer aux Français. Oui. Donc, Michel Tremblay, la pièce que j'ai vue il y a 4 ans, c'est ça? Même plus. 5 ans, déjà? Ça fait 6 ans qu'on... 6 ans? Ouais. Ah ouais? Donc, toi, tu as dû l'avoir il y a 5 ans, je pense, ouais. 5-6 ans, ouais. Mais en plus, tu voulais t'attaquer aussi peut-être inconsciemment aux auteurs féminines. J'ai beaucoup aimé Les Fées en Soie. Je l'ai étudié en fait dans le cadre de mes cours et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette pièce et je me suis dit un jour je la montrerai. Et voilà. Et donc je l'ai montée en 2011, 2012, je sais plus. 2012, ouais. 2012. Et en fait je l'ai fait lire à des amies comédiennes avec qui j'avais des affinités et qui ont tout embarqué et. Et donc on a monté ce spectacle ensemble. Avec la volonté, il y avait dans la pièce Les Fées en Soif, dans la version québécoise, il y avait une partition à la fin. Ouais. Dans la nouvelle version, elle n'y est plus. Pourquoi? Je sais pas. Mais en tout cas, moi j'avais une version où il y avait des partitions et je me suis dit, ouais, c'est hyper intéressant d'avoir la musique. Il y avait souvent marqué, enfin c'était au hautbois. Ouais. Et je me suis dit, tant qu'à avoir une pièce où il n'y a que des femmes sur scène, ce serait sympa d'avoir un homme aussi. Tu donc, joues du hautbois pendant que les comédiennes... Voilà. Une rue, un soir, avant la frontière. Là-bas, les bars, pour célibataires. Ils s'en vont boire et consommer la chair. Croise un regard et franchit la barrière avant que le jouer dans l'arène. Alors ouvrir la porte, viser les uniformes, rejoindre la cohorte pour entrer dans la norme. Tu continues ton rêve. croisade et les corps qui s'en mêlent, qui forment une barricade devant mes yeux rebelles. Même si un jour je suis en ruine, jamais je ne serai broyé par la machine. Même si un jour je suis en ruine, jamais je ne serai broyé par la machine. Après, quand on l'a repris à Paris, il n'y avait pas la place, donc il était derrière les spectateurs. Mais c'est vrai que quand il était sur scène, c'était beaucoup plus fort, moi, j'ai trouvé, parce qu'il y avait vraiment la figure masculine. Qui rentre en conflit un peu avec le discours. Voilà. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a interpellé dans Les Filles en soi? J'ai trouvé le texte magnifique. Vraiment, toute cette poésie. Et tu n'avais aucun problème de traduction? Parce qu'il y a quelques... Moi, j'ai eu aucun problème. Après, je sais que les filles... m'ont posé des questions quant au vocabulaire et donc je leur disais ce que ça voulait dire et après je leur ai laissé le choix. J'ai dit si vous préférez dire le mot français, dites-le, si vous préférez garder le mot québécois parce que vous l'avez assez imprégné, gardez-le. Et donc en fait ça dépendait des soirs. Ah, des soirs? Oui, ça... Bon, là-dessus je leur ai fait totalement confiance parce qu'il y a des fois elles se sentaient pas de dire quétaine par exemple, donc elles disaient autre chose et voilà. C'était... Mais est-ce que ça donnait au texte la même valeur, la même consonance? C'est comme c'était que quelques mots, oui. Okay. Ça n'a pas changé. Les gens se rendaient compte quand même que c'était une pièce québécoise. Mais quétaine, lorsque les spectateurs... Je ne sais même pas s'il est dedans. Non, mais quétaine, c'est quand même pas compris par tout le monde. Oui. Mais quand c'est joué dans une pièce, et surtout à Paris ou en France, traduisez-vous? Y a-t-il quelque chose qui se passe avant, après? Les gens, est-ce qu'ils se procurent un genre de lexique? Alors, par exemple, dans Cendre de Caillou, il y a le mot quétaine. Okay. Et il y a des gens qui n'ont pas compris. Donc, nous, on vendait la pièce à la fin. Donc, effectivement, dans Cendre de Caillou, il y a un glossaire à la fin. Qui explique le lexique. Mais sinon, en fait, dans le contexte, ils comprennent de toute façon. Oh, oui. Oh, ben, c'est comme, pour toujours ma Marie-Lou, Stand Bird, les gens vont comprendre que c'est un supermarché. Oui, mais elle disait, je sais plus ce qu'elle disait, mais ça avait été plus ou moins adapté, Marie-Lou. Mais là, un tout petit peu quand même. Hein. Ah oui? Ouais, parce que j'ai vu la version à l'aborder l'année dernière, puis je sais pas trop. Peut-être que la différence était tellement subtile que... Oui, voilà. Okay. Y a... Beurre de peanut est resté. Oui, au début, il avait mis beurre de cacahuète et petit... Et nous, on a dit non, on va dire beurre de peanut. Oui, ben oui. C'est obligé. Ah voilà, oui. Et voilà, mais ouais, dans Centre de Caillou, c'est moi, c'est mon personnage qui disait ça. Donc je disais, il y a des fêtes, on joue de l'accordéon, on danse, on tape des pieds, des mains. C'est très quétaine, mais ça nous amuse dans le contexte. Les gens, ils comprennent que c'est ringard, que c'est, voilà, ils voient. Parce que nous aussi, on a ces fêtes-là. Ouais. Dans les campagnes et tout. Et nous, enfin, moi, je sais que j'aime bien ces fêtes. Ah et oui. Allô, voilà. Mon ami. Comment ça va? Ça va bien, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux prendre quelque chose? Ou... Moi, en tout cas, je suis bien certain que je veux boire quelque chose. À boire quelque chose, oui. Oui. Il est bien certain qu'il va boire. Ah, ça, c'est certain, oui. Effectivement, ça ne sera pas compliqué non plus. Vous prenez la carte à partir de combien? 5-6 euros, quelque chose comme ça. D'accord. Je vais vous prendre un citron pressé. Merci. Moi, je te fais au pamplemousse. Un pamplemousse et un citron pressé, bien sûr. Voilà. Merci. Ah bien merci. Donc le travail a été vite plus spontané et moins travaillé que que la pièce de Michel Tremblay. La dernière que tu as finie au mois d'avril. Oui, il nous a dit qu'il avait adapté, mais moi j'ai pas... Tu n'as pas senti l'adaptation? Non, j'ai pas senti parce que... Non. Il y a peut-être quelques mots par-ci, par-là, mais... Après, il fait confiance... Aux comédiens. Il fait confiance aux comédiens, voilà. Il y en a, il nous expliquait... Parfois, il expliquait les mots et tout ça. Moi, je sais, quand je disais très quétaine, moi, je me suis pas posé la question non, parce que je connaissais le mot. Et les autres comédiens sont venus me voir en disant « Mais ça veut dire quoi, en fait ?» Puis même dans le texte, ils pouvaient pas saisir ce que ça voulait dire quétaine. Si, mais précisément, okay, quoi. Okay, parfois, okay. Par exemple, il y a le personnage... Voilà. Il y a le personnage de Coco qui parlait aussi, qui dit « Ouais, on va fucker dans le rang des bobettes. » Et en fait, lui, il avait compris que c'était le nom de la rue. Ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et je lui dis, le rang des bobettes, c'est les culottes. Ah, des bobettes, oui, des bobettes. Ok. Et je lui dis, en fait, c'est des culottes et tout des ça. Culottes, donc on va, des sous-vêtements. Voilà, ils vont dans la rue. Okay. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le rang des bobettes. C'est pas du tout. Je lui ai expliqué parce que j'ai bien senti qu'il fait Ah ouais, j'avais pas vu comme ça. Mais en fait, il pensait que c'était le nom de la rue. Oui, la rue Bobette. Voilà. Ah, c'est bon. Alors, moi, ça m'avait fait rire, ça. Et l'accent québécois, lorsque tu es arrivé la première fois, ça devait être quand même assez dépaysant? Oui et non, parce qu'on l'entend quand même beaucoup en France. Ok. Oui, c'est vrai qu'avec Internet, la télévision aussi, voilà, on n'a pas de... Mais oui, au début, tu fais répéter les gens quand même. Et l'hiver au Québec? Il fait froid. Il fait froid, de moins en moins. Oui. Mais tu trouves que... Parce que tu es passé l'année dernière. Oui, j'ai passé Noël. Donc, c'était beaucoup moins froid. Oui, ça allait. Il n'y a aucun problème depuis quelques années. On dirait que c'est... C'est pas forcément bien, mais... Non, c'est louche. Oui. C'est louche. Mais tu restes encore avec une filiation assez forte. Tu as des amis, tu as un groupe, tu as comme... Voilà, j'y vais. Une deuxième famille. Voilà. J'essaie d'y aller régulièrement. C'est ton procès? Oui. Merci. Merci. Et donc, tu y vas le plus souvent possible quand tu peux. Voilà. Mais je ne peux pas y aller tous les ans non plus parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Moi, j'adore voyager. Mais en fait, j'ai eu 30 ans l'année dernière. Oh, félicitations. J'ai 20 ans de plus. Ça y est, j'ai 31 ans. Oh. Et en fait, pour mes 30 ans, ils ont cherché un cadeau hyper symbolique. Original, symbolique, voilà. Et très, très rapidement, l'idée s'est tournée sur... comme j'étais partie à l'Université Laval à 20 ans... Ils t'ont payé un voyage? Ils m'ont payé le voyage au Québec. Voilà. C'est complètement fou. Oui. C'est un excellent cadeau, très beau cadeau. C'était un très beau cadeau, oui. En tout cas, j'adore ta tuque sur les photos. Vraiment, tu l'as gardé, j'espère? Oui. OK, je pensais que c'était des amis au Québec. Regarde, on t'a acheté une tuque. Non. Très, très belle, très belle ta tuque. Est-ce que tu la portes ici? Oui, ça m'arrive. OK. Mais il fait pas assez froid. Non, mais tu vas avoir une nostalgie québécoise quand tu la portes. est-ce qu'il y a certaines choses qui te ramènent ici à Paris à... Une petite pensée, à un moment donné, je sais pas, tu passes, ou tu entends l'accent québécois. Oui, on l'entend. En fait, je sais que quand je l'entends dans le métro, par exemple, il y a des Québécois en France qui viennent en vacances ou qui vivent ici, quand je l'entends, j'ai tendance à m'asseoir pas très loin pour l'écouter. Voilà, et puis voilà, ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mais j'allais très souvent à la librairie du Québec. Oui. Pour voir dans un le peu Québec? Les... Hmm? Dans le vieux Québec? Non, à Paris. Ah, OK, c'est à Paris, OK. Parce qu'il y en a une qui s'appelle la librairie du Québec qui a fermé l'année dernière. Non, là, à Paris, il y a la librairie du Québec qui est vers les jardins, à côté du Luxembourg. OK. Et j'y allais souvent pour voir les nouveautés et tout ça. Donc, là, j'ai pas eu l'occasion, mais j'y allais très souvent à un moment. Mais je veux juste montrer aux auditeurs que quand même, tu as beaucoup... Tu as une formation assez éclectique. C'est pas juste comédienne. C'est si j'ai bien regardé... Tu as travaillé comme attaché de presse au tout début. Après tes études ou pendant tes études? Pendant, pour payer mes études. Et qu'est-ce que ça t'a donné d'être attaché de presse? C'est de rentrer déjà dans le milieu? De savoir que je voulais pas faire ça. OK, pourquoi? Que c'est pas mon truc. De vendre des spectacles auprès de gens, que ça soit la diffusion, parce que j'ai fait un petit peu de diffusion aussi. De vendre des spectacles auprès des gens, que ça soit des programmateurs, des journalistes et tout. C'est pas mon truc parce que j'ai pas les contacts et que je ne sais pas... Les contacts, tu fais peut-être avec des amis. Et je sais pas vendre un spectacle. Et tu vends ton spectacle à toi, mais tu peux pas vendre celle des autres. Voilà. Et encore, même mon spectacle à moi, c'est difficile. C'est pas mon... Je peux en parler, je vais être positive et tout ça, mais je ne sais pas vendre. Okay. Voilà. Et donc, tu te sentais moins à l'aise, mais tu voulais garder ça parce que c'était quand même un pied dans le milieu. Voilà, c'est ça. Ça me permettait d'aller au Festival d'Avignon. Ah oui, OK. Ben ouais, mais c'est intéressant. Pour travailler tant que j'avais pas de rôle, quoi. Ouais. Puis te faire connaître un peu, peut-être. Avais-tu non, des cartes, même pas. Non, ah, non. Okay. Ah, t'avais pas le droit. C'était vraiment pour mes études, quoi. Mais ensuite, là, j'ai pas trop que tu as travaillé dans une billetterie. Ça, c'est après. C'est pendant mes études aussi. OK. En fait, j'étais attachée de presse au Festival d'Avignon. Oui. Et à l'année, j'étais ouvreuse dans un théâtre. Et, et je vendais des billets aussi. Il y a deux sortes de théâtre. Le théâtre où l'ouvreuse ne sera pas rémunérée par... Nous, on était rémunérés. OK, non, mais par le spectateur. Ouais. Alors, moi, j'ai pas à donner. Comme si je vais à l'Olympia, j'ai pas à te payer. Ben, c'est pas une salle de spectacle de théâtre, tu vas me dire. Mais en tout cas, il y a des salles de spectacle où on doit rémunérer parce que le seul... salaire qu'elles ont, c'est nous qui lui donnons. Ouais, mais ça, c'est pas très légal, hein, normalement. Ben, dans la majorité des théâtres où j'ai... OK. Non, moi, j'avais une fiche de paye, j'avais un salaire... Mais il y en a beaucoup encore qui fonctionnent comme ça. Oui, mais c'est interdit. De moins en moins? Ouais. Il y en a. Je sais pas lesquels, mais normalement, c'est interdit. Ensuite de ça, en 2009, t'es chargée de diffusion. Et après... C'est comme attachée de presse. Ouais, c'est ça. Et t'es devenue, peut-être un peu plus tard, professeur. La même année, juste avant. Moi, ça fait... Oui. Je vous y attends en bas. peu de cachet en haut de votre piédestal. Et vous voici réduit à un simple objet, ce qui ne va pas si mal. Autour des tables, il y a une chaise vide. Terminé tes cours pour être professeur ou... Non, en fait j'ai commencé en remplacement parce qu'il y avait donc c'était en banlieue parisienne, c'était un lieu que je connaissais très bien et il y avait une des profs qui est tombée enceinte et ça se passait pas très bien, elle était malade, c'était compliqué donc elle pouvait plus donner ses cours donc trouver un prof à l'année comme ça, comme moi j'étais souvent là, ils m'ont proposé de reprendre, faire une sorte de période d'essai quoi finalement. Et donc j'ai repris ces ateliers et tout ça. Et au début c'était ponctuel quand vraiment elle pouvait pas être là. Et après j'ai fini complètement l'année. Et donc l'année d'après ils m'ont proposé de reprendre carrément le créneau parce qu'elle voulait plus le faire quoi. Mais comment tu peux être professeur sans avoir de certificat? Parce que t'avais pas encore terminé tes cours. C'est prof de théâtre. Ok. Il n'y a pas de diplôme obligatoire. Ah, n'importe qui peut faire prof de théâtre. Ouais. Ben voyons. Ben oui. Quelqu'un qui connaît absolument rien au théâtre peut être professeur de théâtre. C'est ça. Si on exagère. Bah, après, quand on postule, on envoie nos CV. Donc, ils voient très bien un peu ce qu'on a fait. Et puis, il y a le ressenti des enfants. Enfin, moi, je suis avec les enfants. Il y a le ressenti des enfants de et quoi, tout ça. De 5 à... Les plus petits, moi, ils ont 3 ans et demi. Ah, tu le fais encore, ça? Ouais. Et les plus grands, bah, ça m'arrive de remplacer sur les adultes. Mais moi, je préfère rester avec les enfants. Et donc, les plus grands, les plus grandes... Parce que j'ai que des filles, elles ont 15 ans, 14-15 ans, ouais. Alors ça fait 8 ans que tu fais ça? Oui. Mais quelle différence en... Pourquoi juste des filles? Ah ben c'est mon cours, c'est sur ce cours-là, c'est un cours que je donne le lundi, et il n'y avait que des filles qui se sont inscrites. C'est pas moi qui ai choisi. Ah, parce que tout le monde aurait pu s'inscrire, mais ouais, voilà. Ça a été... Oui, mais ça fait depuis que ce cours est ouvert, je n'ai que des filles. Mais alors, lorsque tu choisis une pièce de théâtre, parce que tu dois... C'est la guerre. Ouais. Il y a des filles qui jouent les gars? Ouais. Et puis, quand elle ne veut pas, bah, je réécris un peu le spectacle. Si c'est une pièce que j'ai trouvée, je vais réécrire et j'adapte tous les rôles au féminin. Et quelle pièce que tu utilises normalement? Est-ce que c'est des classiques ou des... De tout. Ça dépend. Alors, c'est ça qui est un peu intéressant pour toi, c'est d'essayer de trouver la pièce pour ces ados ou ces enfants-là. Ouais, et puis leur faire plaisir. Bah, avec les petits, je fais des contes que j'adapte en théâtre. Mais leur faire plaisir court. Dans quel sens? Qu'elles s'amusent. Moi, le but, c'est qu'ils s'amusent. C'est que... C'est un divertissement, c'est pas... Voilà, parce que nous, quand on va apprendre une pièce, c'est un travail. Okay, il faut ouais. apprendre le texte, il faut répéter et tout ça. Et là, c'est pas pareil. Eux, c'est vraiment une activité de plaisir. Donc, il faut que ça reste un amusement. Est-ce que c'est parascolaire ou... Oui, complètement. Okay. Donc ça reste un amusement. Donc en fait, je vais choisir... pour les tout-petits, je leur demande les personnages qu'ils veulent faire. Et j'essaye de trouver des contes où il y a un peu tout. Mais comment ils font pour apprendre ces petits-enfants? Ils ont 3 phrases. C'est un spectacle de 10 minutes. Hein. OK. non, faut pas... Non, mais c'est pas une pièce d'une heure et demie. Hein. Non, mais les parents prennent à peu près 45 minutes pour s'y rendre, pour 10 minutes. Mais quand même, c'est nos enfants, on veut les voir, on veut les applaudir. Oui, non, mais les parents, ça leur va très bien. Hein, oui, écoute... Non, c'est... Et toi, l'intérêt, c'est de voir les yeux pétillants des parents et des enfants, la fébrilité des enfants. Oui, puis... j'apprends en fait aussi avec les enfants, moi-même, parce que quand on grandit, on perd une certaine innocence. Ah oui. Et finalement, ça me fait du bien d'être avec eux, parce que je vois plein de choses et je me dis mais oui, mais bien sûr, ça je le fais plus, mais pourquoi je me mets... Enfin, ils ont aucune pudeur quelque part. Pour l'instant, à la ligne, nouveau paragraphe. Retenir les choses est invraisemblable. À ce piège-là, suis imperméable. J'aime le soleil sur l'eau des rivières. Ça fait des étoiles très involontaires. Je suis la volute, la fumée dansant. Ma trajectoire se lit dans les fables. Nos plus beaux présents sont des golfes clairs et insaisissables. Nos plus beaux présents, ce n'est que pour l'instant. Pour l'instant, dit le philosophe. Pour l'instant, joli titre pour un best. Château de sable, chaque fois l'amour change de lumière. Mille façons de mêler nos frontières. Dans ce grand lit là, tout est important. Dans ce grand lit blanc, rien n'est impensable. Quand je te caresse, c'est avec du temps, frisson délectable. C'est avec du temps. Rénaldienne sur CKRL-MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Alors, là, tu étais comédienne, donc tu as approché des œuvres, tu as approché des metteurs en scène. Hein, pourquoi tu sais où je m'en vais? Non. Ah, parce que tu as un sourire d'or, je sais. Et donc, là, tu t'es fait une genre de carapace théâtrale, c'est-à-dire que tu as eu un plusieurs arcs à tes c'est plusieurs flèches à, ouais, plusieurs flèches à ton arc. Ouais, plusieurs flèches à ton arc. Et tu as décidé en 2015 de te lancer dans la mise en scène. Bah avant avec Les Feux en Soif. Ok, c'est toi qui as fait la mise en scène oui. au complet? Moi j'ai fait que la mise en scène okay. dans Les Feux en Soif, j'ai okay. pas joué. Ah ok. Alors qu'est-ce qui t'a amené à faire la mise en scène? Bah en fait Les Feux en Soif, j'avais envie de le monter, je trouvais personne pour le monter. Donc j'ai dit bon c'est moi qui vais embaucher les comédiennes et c'est moi qui vais le mettre en scène. Ok. Puisque j'ai envie de le présenter aux Français. J'ai envie de la faire connaître cette pièce. Donc c'est comme ça que j'y suis venue. Mais comment t'as approché la mise en scène sans trop connaître... Je sais pas. C'est instinctif? Ça a été instinctif. Je dis pas que c'était la meilleure mise en scène. Enfin, Qu'est-ce qui fait qu'une pièce est bien mise en scène ou est mauvaise au niveau de la mise en scène? Je sais pas, quand la mise en scène se voit pas trop, qu'on voit okay. pas que ça, moi déjà je pense que c'est bien. Okay. Ça sert à rien de trop en faire. Moi j'aime la sobriété en fait au théâtre. Okay. Et quand c'est clinquant, et, ouais, j'adore aussi, oh, mais... Ouais. Mais sur des textes comme ça... Ça portait pas vraiment. Voilà. Il y avait... moi, sur scène, j'avais choisi... Donc, il y a ces trois femmes. Donc, j'avais choisi pour symboliser la mère au foyer, au niveau de son espace, c'était une table, une chaise. Okay. Pour le personnage de la statue, j'avais un pouf en paille qui permettait juste de la surélever un petit peu. Okay. Point barre. Mmh. Et pour le personnage de Madeleine, donc la prostituée, c'était un lit. Voilà. C'est très symbolique. Il y avait juste ces trois espaces et qui étaient vraiment délimités par la lumière. Donc là, j'ai travaillé avec une créatrice lumière qui a fait des petites merveilles. Okay. Et voilà, donc elle m'a vraiment créé ces trois univers lumineux et qui se croisaient, qui s'agrandissaient au fur et à mesure, puisqu'à la fin, elles se rencontrent. Et puis, il y avait vraiment une lumière très, très blanche quand elle joue les hommes. Finalement, la scène du procès. Et la scène du viol. Donc la scène du procès, c'était vraiment complètement à contre-jour où finalement ça faisait deux ombres. Et la scène du viol, c'était en stroboscope okay. et ah, oui. dans le noir. Ok, pour montrer l'agressivité. Voilà. Comment l'accueil a été perçu? Très bien. Il y a eu il y a des gens qui ont trouvé ça très fort. Il y a quelques personnes qui ont trouvé ça dépassé. Qui ont dit non mais les ça femmes a mal vieilli. Ouais non ça a mal vieilli voilà les pour elles les femmes battues les femmes ça n'existe plus ouais c'était un peu dépassé alors moi ça m'a choqué quand on m'a elles dit ça elles étaient dépassées elles-mêmes hein? Ouais j'ai dit non mais il suffit de traverser la rue je pense ah, et, ouais, ben voyons et ouais. voilà mais des voilà avais-tu une discussion assez corrosive avec ce genre de personnes là non. Ça sert à rien de s'énerver. Ouais, t'es ouais, ok. Ah, t'es pas une fille qui... Si, je m'énerve facilement, okay. mais du coup, j'essaye de contrôler. Parce que pour moi, c'est les personnes qui pensent que c'est dépassé, que les femmes battues, que les femmes violées, que l'emprise de la religion, c'est dépassé. C'est des femmes qui ne sont pas au courant de ce qui se passe dans, ouais. leur, dans le monde. Ne serait-ce qu'en France, parce qu'on a des problèmes aussi en France. Ah oui, partout. Et du coup, c'est des femmes qui ne s'intéressent pas au monde... actuel, bon, c'est pas des gens qui méritent l'énervement. Ouais, puis qui méritent aussi de l'énergie pour passer à leur expliquer les choses. Donc, le travail de mise en scène t'a amené, c'est là que je vais y arriver, en 2015, mm-hmm. à Avignon. Parce que j'ai lu un papier que tu avais fait à Avignon pour la mise en scène que tu as faite en 2015. Non? Il y a une photo de toi en gros plan. Ah bon? J'ai fait une mise en scène en 2015 à Avignon, moi. Ou peut-être que tu l'as amené à Avignon, non? Non, non, non. OK, tu n'as jamais fait de mise en scène pour Avignon? Non. OK. Mais la seule mise en scène que tu as faite, c'est celle-là ou c'est non, non, j'en ai fait d'autres. OK. J'ai mis en scène un spectacle qui s'appelle L'Habilleuse. Oui, oui. Ça a un lien avec l'habilleur qu'on connaît? Pas du tout. OK. Voilà, c'est l'histoire d'une habilleuse, enfin en fait d'une femme qui a toujours voulu être comédienne, okay. mais qui savait coudre. Donc, à la sortie des cours de théâtre... Elle a monté des spectacles avec les copains de l'école, mais comme elle savait coudre, on lui demandait en plus de faire les costumes. Okay. Et petit à petit, elle ne faisait plus que les costumes et elle jouait plus, donc elle s'est retrouvée habilleuse parce qu'il faut de toute façon manger, ouais. donc il faut travailler. Comme dans tous les métiers. On fait pas forcément ce qu'on veut et non. en fait, elle est devenue comme ça habilleuse. Ce qui fait que sa vie. Elle raconte quoi? Elle se raconte. Non, en fait, donc elle est habillée sur un spectacle et la comédienne, une des comédiennes qui joue dans ce spectacle est en retard. Et ils veulent quand même commencer le spectacle. Donc on se dit, ah bah tiens, elle connaît le rôle, pourquoi Mathilde, parce que son personnage s'appelle Mathilde, pourquoi Mathilde ne jouerait pas? Et donc ils décident de ça. Donc en fait, c'est prétexte, finalement, on la retrouve direct dans sa loge au moment où elle apprend qu'elle va jouer. Ah oui. Et donc elle répète le texte, elle se raconte aussi, elle raconte sa vie, le pourquoi elle est habilleuse. Qu'est-ce qui a rythmé sa vie, qu'est-ce qui l'a nourrie. Donc tout est... ça nous permet d'entendre plein de textes classiques parce que finalement on se rend compte qu'elle connaît tous les textes par cœur. Et elle est confiée uniquement voilà, au textile. Et en fait elle est confiée au textile et au spectateur qui est là. Et elle voit une robe et hop, ça va lui faire penser à un personnage. Ah, ouais, ouais, ouais, elle est en train de recoudre bouton et hop, ça va lui faire penser à un autre personnage. Elle a des références. Elle a énormément de références et c'est toute la montée de est-ce qu'elle va jouer ou est-ce qu'elle va pas jouer. Mais surtout, c'est une pièce de théâtre. Il y a aussi du cinéma comme ça, filmé, du cinéma qu'on appelle... mise en abîme, hein, parce oui. que ça parle de l'œuvre. Oui. Pour les gens qui connaissent l'art théâtral, c'est un cadeau de réentendre la comédienne qui, elle, va se référer à des grands classiques. Ben oui, ça, je me rappelle que... Mm. Donc, c'est quand même un plaisir pour les comédiens, les comédiennes professionnelles et même les amateurs qui vont souvent au théâtre, puisqu'il y a des références oui. au quart de tour. Ouais, là, il y a des références vraiment au quart de tour et elle a eu beaucoup de plaisir à le jouer. Elle l'a encore joué cette année. Et toi, t'as pas le goût de prendre cette pièce-là et de la jouer? Ben non, je lui laisse maintenant. Okay. Ah ouais, t'as pas une piqueuse? Non. Je tourne en rond dans un jeudi rouge qui n'a pas de nom. Je veux aller plus vite et m'enivre, coincé derrière ma vitre. Et je bute toujours sur ma propre dérive. Là où tout se brise, où tout se brise, où tout se brise. S'éveillent en moi les amertumes et les regrets. Même si je sais qu'ici-bas, rien n'est parfait. Ma vie est un miracle puisque demain, si je vis encore, j'aurai 30 ans, d'accord. Un verre d'alcool dans le décor. Ce soir, je suis seul et j'attends. Les années passent et je passe à travers. Le monde s'éclaire, mais les lions rugissent dehors. N'y a-t-il rien qu'on obtienne sans effort? Et le ciel qui se met à gronder, même en juillet, il fait trop froid dehors. Alors je tourne en rond pour un dernier round. Je cherche à tout saisir et à tout briser avant de recommencer. Puisque demain, même si j'ai tort et si je ne suis pas morte, on repart pour trois tours, pour trois tours. Alors je tourne en rond dans un jeudi rouge qui n'a pas de nom. Je veux aller plus vite et plus vite encore. Et partir, partir dans le décor. Comme un verre d'alcool jeté après avoir trinqué. Faut bien mettre du beurre sur son pain. Aussi. Mais voilà, il y a des pièces, qu'on pense ne pas aimer et finalement, ah oui, le travail avec le metteur en scène est intéressant. Ça peut changer, la donne. Ouais. Et puis voilà. Et puis j'ai mon association, donc on crée aussi des spectacles régulièrement. On est essentiellement dans du jeune public, mais. Et t'aimes beaucoup travailler avec les jeunes, ou si c'est, oui. aussi c'est encore un créneau qui est peu exploré. Puis qu'il y a quand même quelque chose à... Non, c'est un créneau qui est bien exploré, okay. mais tant qu'il y a... Nous, on aime bien travailler, parce qu'on est plusieurs dans... Dans l'association, ça dépend, ça fluctue. Okay. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Voilà, il y en a... Quand ils ont des gros contrats, ils doivent abandonner un peu le projet, ils reviennent quand c'est plus tranquille. Voilà. Ouais. Après, nous, on propose des projets qui nous tiennent à cœur, qui nous plaisent et qu'on a envie de défendre. Et en fonction des réponses des gens en face, on les joue ou certains ne voient pas le jour parce que personne ne s'est dit que ce projet pouvait... être intéressant à ce moment-là. Donc, Mais du théâtre pour enfants, est-ce qu'il y a beaucoup de matériel à proposer ou c'est, tu dois des fois l'écrire en écriture? Moi, alors, les quelques projets qu'on a eus, donc on a fait deux, on a créé deux pièces et on a fait des lectures de contes et tout ça. Donc les deux pièces, oui, effectivement, on les a écrites. Les contes, on les a choisis. Mais comment tu peux écrire une pièce pour enfants? Qu'est-ce que tu dois aborder que l'univers des adultes ne peut pas se permettre? Je pense qu'il n'y a pas de thème tabou. C'est la manière de le dire. Après, ça dépend des enfants. Mais, par exemple, c'est en fait, un travail de groupe ou si c'est toi qui écris seul dans ton coin? C'est un travail de groupe. Okay. Ça dépend. Le tout premier spectacle qui s'appelle « Le fabuleux voyage d'Elisa ». En fait, j'avais pour volonté depuis des années de créer un spectacle autour de l'éléphant. Je suis une grande, grande passionnée d'éléphant. Et pour la chance que ça procure, sans doute. Pour tout, cet animal me fascine. Pourquoi? Depuis, je sais pas, je suis une passionnée d'éléphant depuis toujours. Tu connais beaucoup l'univers des éléphants? Oui. Est-ce que c'est vrai, l'histoire de la souris? Non, je pense pas. Ok. Je sais pas, j'ai jamais vu un éléphant avec une souris. Mais non, mais on dit qu'un éléphant qui voit une souris. Oui, il a peur. Okay, ouais. J'ai jamais vu, donc je sais pas. Je pense pas. Ok. Mais. Donc, pour revenir à l'éléphant, tu voulais parler de ce qui te plaisait, voilà, aux enfants. Voilà. C'est ça. D'une manière pas. Est-ce que tu utilises un langage classique ou tu infantilises un peu le propos? Un peu les deux, je pense. C'est un mélange entre les deux. Et vous jouez des adultes ou vous jouez des enfants? On jouait des enfants à chaque fois, dans les deux. Vous étiez des enfants? Oui. OK. De quel âge? Non, alors dans Le fabuleux voyage d'Elisa, moi j'étais une petite fille de 6-7 ans. Et en fait, l'autre personnage principal, c'était l'éléphant. OK. Donc elle n'avait pas d'âge. C'était une comédienne qui avait un masque qui était habillée tout en gris. Mais en fait, elle jouait tous les autres personnages. Donc à un moment, elle jouait ma maman. OK. Essentiellement, elle jouait le personnage de Néphant l'éléphant. Néphant l'éléphant. Et voilà. Oh. Et on n'est pas allé chercher très très loin. Là, c'est beau. Néphant l'éléphant. Et après. Les enfants adorent ça, hein. Néphant l'éléphant. Ça marchait bien. Ouais, ça vient de la recherche. Et voilà. Et puis après, elle était. Elle faisait plusieurs choses, elle manipulait des marionnettes, faisait passer en ombre chinoise, elle faisait passer tout un troupeau d'éléphants. À un moment, elle dansait. Ouais, on voulait ça très féerique. Et à la fin, on voulait aussi qu'elle monte sur un éléphant et qu'elle s'en aille avec. Et donc, l'idée, c'était... De louer un éléphant. Ouais. On s'est beaucoup creusé, puis un jour, on a eu une révélation, on s'est dit, on va prendre un vélo. Okay. Et on va faire deux formes d'éléphants en bois qu'on va coller sur le vélo. Okay. Et donc, je vais pédaler sur l'éléphant. Ah oui? Puis est-ce que ça... Ça a bien marché. Ah oui, OK. Ouais. Et tu partais sur l'éléphant. Voilà. Je repartais avec l'éléphant. Et les yeux des enfants, lorsqu'ils regardent... Ça les faisait rire. Donc, c'était chouette. Vraiment, ils participaient, quoi. Une pièce de théâtre pour enfants, il faut que ce soit quand même assez court, assez punché, assez... Mais c'était une demi-heure à chaque fois. Ah oui. Est-ce qu'ils ont l'attention du début jusqu'à la fin? Et certains, lorsqu'ils l'ont... ils sont moins attentifs et ils commencent à parler. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues? Ça m'est pas arrivé. Ah, c'est jamais arrivé. Alors, ce qui nous arrivait, c'est qu'ils posaient des questions. Pendant la pièce? Pendant la pièce. Donc là, on leur répond. C'est interactif sans le savoir. Voilà. Est-ce que tu savais au début, avant de commencer la pièce, que les enfants allaient te poser? Non. Puis là, comment la réaction est arrivée la première fois quand un enfant disait « Oui, mais pourquoi? » Ben, et là, L'autre comédienne, parce que moi j'étais vraiment la petite fille, donc l'autre comédienne, elle entend oui, mais pourquoi? Alors moi j'ai repris la question, genre oui, mais pourquoi? Et elle a dit ah, mais parce que, et elle est partie en improvisation un passage. Toi, t'étais le lien. Voilà, c'est bon. Ça s'est fait vraiment instinctivement comme ça, au hasard, quoi. Enfin. Mais une fois que la pièce était terminée puis que ce truc-là a été sorti, vous vous êtes dit, on est sur quelque chose de super intéressant. Les enfants se posent des questions. Oui, Et moi, j'utilise la voix des enfants pour te rapporter ça. Et et tu réponds. Donc, on est vraiment... on est dedans. On a trouvé quelque chose d'assez fort. Voilà. Et puis, en fait, il y avait différents instruments de percussion qui accompagnaient. Okay. Et, enregistrés ou... Non, on les avait sur scène. Tu en jouais? Non, c'était pas moi, c'était l'éléphant du coup qui en jouait. Mais elle faisait de tout. Elle est très forte. Ok. Elle sait tout faire. Mais elle joue vraiment de la musique ou si elle faisait juste taper sur la. On est parti sur d'une comptine africaine assez connue dans l'univers, oui, qui s'appelle. Je sais même pas. C'est dans les comptines du Baobab. Ok. C'est une comptine africaine assez populaire en France. Et ça ressemble à quoi? Ou les non j'ai pas j'ai plus les paroles en africain. Ok. Et nous on a réécrit les paroles justement pour en faire une comptine sur les éléphants et avec le rythme en tête elle a cherché le rythme. Bah, en fait, sur le djembé, il n'y a pas de notes. Donc, elle a juste cherché le rythme. Et après, sur le xylophone et le piano à pouce, qui est un petit instrument avec des petites lames, elle a cherché les notes et elle a tout trouvé à l'oreille. Elle a une formation un peu de piano. Elle est forte en général. Elle est forte en général. Oui. Puis, ça devait quand même les enfants... observais-tu la réaction des enfants dans certaines scènes parce que tu savais que ça allait fonctionner, ça allait... Non, pas spécialement, parce qu'après, quand on joue, on est vraiment Dans le personnage. Ce qui était sympa, c'est que la comptine, on la chantait une fois avec le djembé, une fois avec le piano à pouce, avec le xylophone. Et en fait, à la fin de la pièce, Néfan s'en va et c'est moi qui finis, qui dois trouver. Ah oui. En gros, il fallait reconstituer un puzzle magique pour sauver les éléphants. Et donc Néfan s'en va parce qu'on a tout trouvé, il manque juste une pièce, mais on la cherche et on ne l'a pas trouvée, donc il s'en va. Et il me dit à toi de continuer toute seule. Et donc je remonte sur mon tapis et là je chantais la comptine a cappella. Et donc ça faisait déjà 3 fois que les enfants l'entendaient. Donc ils l'ont chanté avec moi parce que c'était un air qu'ils connaissaient. Donc au final c'était très sympa ça. Se laissent complètement. Et là on s'est dit on a gagné, ils se sont laissés porter, c'était une bonne expérience quoi. Mais pour être franc, est-ce que c'est pas plus valorisant de travailler pour les enfants que pour les adultes? C'est différent. OK. Mais disons que la recette est... Lorsque tu sors d'un spectacle pour enfants, est-ce qu'il y a quelque chose qui est autrement que lorsque tu sors d'une pièce de théâtre pour adultes? Tu me dis que c'est autrement, mais... Ouais. On n'est pas pareil. Avec les enfants, on est toujours les plus beaux, les meilleurs, c'était génial. Puis les mots d'enfant, c'est toujours très touchant parce que c'est pas argumenté de la même manière. Non, ça vient du cœur. Voilà, on a eu peur de ça, mais on a beaucoup aimé ça. Et c'est très simple, quelque part. L'autre, l'adulte va intellectualiser la pièce. Et c'est là que ça a peut-être... ça dépend aussi de... Et les enfants, s'ils n'ont pas aimé, ils le disent aussi. Okay. Ils n'ont vraiment pas de retenue. Dans la majorité des cas, ils ont apprécié. Ouais, dans joué combien de fois? On ne l'a pas joué beaucoup, on l'a joué 10 fois. Puis, avez-vous l'intention de la reprendre? Je pense qu'on va pas... le vélo? Non, le vélo, il est toujours là. Il prend beaucoup de place, d'ailleurs. Ah, oui. Mais... Habillé en éléphant, ton vélo, il est encore habillé en éléphant? Oui, oui, oui. Okay. On ne l'a jamais démonté. Hey. Mais... Tu vas prendre une photo, je n'ai jamais vu sur Facebook. Ah si, il y est, je te le montrerai. Ok, oui. Et en fait, c'est parce qu'après, on l'a joué essentiellement dans une école qui nous a redemandé un autre spectacle l'année d'après. Donc en fait, on est parti sur un autre spectacle et puis qui nous a redemandé un autre spectacle pour cette année. Donc on va partir sur un autre projet. Toujours écrit, original. Là, ça dépend ce qu'ils nous demandent. A priori, ils sont partis sur Pierrot et Colombine. Ouais. Ces deux personnages-là. Donc là, on va plus partir de textes qui existent déjà. Okay. Regarde-moi, j'ai changé. J'ai les traits plus tirés et j'ai une drôle de tête, plus étrange peut-être. Regarde-moi, j'ai changé. J'ai les paupières plus lourdes et je suis un peu sourde. ce frêle paysage, c'est pourtant mon visage. On a commencé à le faire. On l'a joué donc dans deux ou trois écoles différentes. Et en fait, on devait le jouer dans une école à Paris. Et elle nous a fait attendre. Elle nous a dit oui, mais attendez. Au final, il ne s'est rien passé. Et on est parti sur l'autre projet parce que la première école nous avait demandé si c'était possible. De faire un nouveau spectacle, donc on est parti. Oui, parce que c'était plus sérieux, puis voilà. Eux, au moins. Là, on savait que ça allait être fait, on avait les dates, voilà. Okay. Là, alors là, tu travailles sur ce projet-là. Là, je vais en faire un nouveau, oui, pour eux. Et lorsque tu es professeur, là, tu es en vacances actuellement de ton côté professoral? Oui. Jusqu'au mois de quoi, septembre? Septembre, oui. Et est-ce que ça demande chaque journée de la semaine, du lundi au vendredi? Ou... Moi, je donne pas des cours tous les jours. OK. J'en donne. Pas assez, hein? Lundi, mardi, mercredi, vendredi. Ah, mais c'est bon. C'est déjà pas mal. Oui. J'ai que le jeudi de libre, donc c'est pas mal. Donc, tu peux pas faire un autre travail à part ça. Donc, c'est très demandant. Ben, c'est le jour, donc le soir, tu peux faire du théâtre si tu es demandé. Voilà. C'est toujours à peu près à la même heure. OK. Ce qui fait que je peux répéter. Enfin, quand je crée une pièce, en fait, je peux répéter. C'est 60 minutes, le cours que tu as? Le lundi, c'est 1h30, mais c'est à 18h. Donc, souvent, les répétitions sont terminées. Et les autres jours, ouais, c'est une heure. OK. Et ce qui fait que je m'adapte, je peux partir de la répétition et revenir après. OK. On trouve toujours un petit arrangement. Tu t'éclipses pendant 1h30, voilà. Et tu reviens après. C'est ça. Et puis, et si vraiment c'est pas possible, quand on part en tournée, par exemple, on se fait remplacer. Ah? Oui, ça c'est possible. Ah. Alors, tu as une remplaçante ou un remplaçant? C'est ça. Que tu connais, tu peux appeler. Tu En fait, à Charenton, là où je donne la majorité des cours, tu leur donnes ton horaire. Voilà. On est plusieurs profs et en fait, on fait mais là, je serai absente de temps à temps. Qui est disponible pour me remplacer, quoi? Mais le suivi est-il fait? Je veux dire, c'est toi, si tu travailles sur une pièce où chacun a sa méthode, puis ça ne dérange pas vraiment. Voilà. En fait, avec les petits, la pièce, je la commence assez tard. Donc, à partir de là, j'essaye de plus avoir de répétition, pour travailler que la pièce. Ouais. Et de toute façon, moi, quand je me fais remplacer, une fois que je sais qui va me remplacer, j'envoie un mail en disant voilà. On va faire ça. Ouais. De manière générale, on fait ça. Après, je ne veux pas imposer, c'est un autre prof. Ouais. C'est aussi sympa pour les enfants de voir une autre technique. Et des exercices que je ne fais pas forcément parce que je ne les connais pas ou parce que ce n'est pas mon univers, c'est sympa aussi. De toute façon, ils vont me raconter et puis... Ah oui, les enfants sont quand même assez... Voilà. La dame nous a fait faire ça. On a fait ça, ouais. Ça on a aimé, est-ce qu'on pourrait le refaire? Ah ça, on n'a pas aimé, mais même moi, je leur demande. Hein, de temps en temps, je leur dis, ah, bah, est-ce qu'il y a un exercice que vous avez vraiment aimé, que vous voudriez qu'on refasse, plus approfondi? Ou est-ce qu'il y en a un, au contraire, on ne le refait pas du tout? Enfin, Alors, tu es très clair avec tes enfants. Oui. Puis tu veux qu'ils s'amusent, c'est ce que tu me disais au début. On n'est pas là pour s'emmerder, c'est après l'école. Donc, ils veulent se divertir, oublier un peu les tracas de l'école. Et j'ai 10 questions, puis j'ai hâte de voir où ça va nous amener. Vas-y. Si tu étais un liquide? De l'eau. De l'eau de source ou de l'eau du robinet? Ou... De l'eau de... Je sais pas. De l'eau tout court. Ouais. Si tu étais une ville? Paris. Ah oui? Quel arrondissement? Le 5e. Ah oui? Tu y habites? Non. OK. Qu'est-ce qui se passe là que je ne sais pas ailleurs? J'aime bien. OK. C'est surtout l'environnement qui te plaît. Oui. Si tu étais une langue? L'espagnol. Ah oui, ben là. Hein? Si tu étais une époque? Les années 70. Ah oui? Pourquoi? J'aime bien le look hippie. Woodstock? Mais t'es un peu hippie là, aujourd'hui. Là. C'est ça, hein? Un peu, ouais. C'est Woodstock aussi? Vive Woodstock? Ah, j'aurais bien aimé vivre Woodstock, ouais. Voir Joe Cocker chanter sa chanson formidable. Ouais. Si tu étais un mot? Un mot? Chocolat. Chocolat, oui. Comme la chanson d'Annie Cordy. Chaud, chaud, chaud. Si tu étais un aliment. Le chocolat. Ah, tu l'as dit, ok, excuse. Si non, non, le mot et le chocolat. Ah, oui. Et l'aliment, ouais, d'accord. Les deux? Ouais. Ok. Si, ben, t'adores le chocolat? Oui. Ça paraît pas. Si tu étais un noir à 70% ou... Un noir à 70%, ouais. Ok, pas au lait. Non, okay. Je préfère le noir. Ah oui. Mais c'est moins agressant, il paraît, c'est moins calorifique. Hein. C'est moins calorique, ouais, il paraît, et ouais. Puis moi, je préfère le noir. Ah. Si tu étais... En manges-tu souvent? Ouais. Mais ils disent que normalement, ça remplace, tu sais, quand des grosses peines d'amour, là, tu manges du chocolat, ça remplace. Parce que c'est la même toxine à l'intérieur. Si tu étais un aliment, si tu étais une saison? L'été. L'été ici? De manière générale, l'été, un peu partout. Et pourquoi? À cause que tu adores le soleil? J'aime bien le soleil, ouais. Tu brunis? Ou tu rougis? Un peu les deux, ouais. Ça dépend. Ok. Mais moi aussi, je brunis, mais chez moi, je rougis. C'est pas le même soleil? Peut-être. Pas le même soleil. Si tu étais un membre corporel, peut-être qu'il y a moins de fil, je sais pas. Si tu étais un membre corporel? Les pieds. Pour frapper quelqu'un ou pour marcher? Pour marcher. Si tu étais un moment de la journée? Le matin. T'es une lève-tôt? Oui. Donc, d'ailleurs, comment ça se passe quand tu bouges vers 11h30, minuit? La pièce, quelquefois, peut finir à 10h. Oui. Tu te retrouves avec les copains ou si tu t'en vas chez toi? Ça dépend de ma fatigue. Oui, si y a des gens, je vais prendre un verre, oui. Donc, tu reviens un peu plus tard. Voilà. Puis tu te couches tard, tu te lèves tôt. Oui. Tu dors peu. Voilà. Juste en été, souvent. Tout le temps. Tout le temps. Oh, alors tu n'es pas une grande dormeuse. Non. Ah. C'est quoi, 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures? Ah non, je suis plus entre 6 et 8 heures, ça dépend de mon état de fatigue. OK. Si tu étais un autre individu? Ah, c'est difficile, ça. Ben oui. Il y en a des plus faciles aussi. Certaines personnes trouvent qu'une question est plus ou moins difficile, ça dépend. Un autre individu? J'ai plein de réponses et j'en ai pas en même temps. OK. Vivant, mort. Oh là là là là là là. Je pensais à plein d'artistes et je pensais à ma famille et... Alors tu veux pas te prononcer? C'est difficile, ouais. OK. Alors on va l'enlever. Non, non, mais je vais trouver ça tout à l'heure. Je vais réfléchir encore. Il m'en reste une à choisir. Est-ce que tu ferais le même chemin? Oui. La même façon? Oui. Avec les années, est-ce que tu trouves qu'il y a plus de travail ou si c'est aussi compliqué qu'au début? C'est toujours compliqué. Et tu t'en sors tout le temps ou si c'est grâce à ton travail en parallèle que tu vis, que tu peux payer ton appart? Non, je m'en sors. J'ai mon statut d'intermittente, l'avantage de la France. Pourquoi l'avantage de la France? Bah parce que le statut intermittent n'existe pas ailleurs. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc nous, mais ça nous permet de vivre sans être obligé de faire un job alimentaire à côté. Donc c'est pas mal. Tu sais, chez nous, il n'y a pas si longtemps, si une comédienne ou un comédien choisissait un texte, on l'appelait, on ne choisissait pas le pauvre, il attend ces appels-là. Il acceptait, je ne sais pas, on va dire, tu connais Michel Tremblay. Mm-hmm. Les pratiques, c'était bénévole, ils n'étaient pas rémunérés. Ils étaient rémunérés à la prestation. Ouais, mais nous aussi, hein. Ah oui? Enfin, ça dépend des productions, en fait. Quand il y a de l'argent, on est rémunéré aux répétitions aussi. Quand il y a moins d'argent, on est juste payé quand on joue, ouais. C'est pour ça que le statut d'intermittent nous permet de vivre quand même et qu'il est bien pratique pour nous. Oui, oui. Mais il y en a beaucoup qui sont intermittents. Oui, quand même. Comment la France arrive à tout payer ces gens-là? Je sais pas. Ouais. Il y a... C'est... Forcément, c'est déficitaire. Hein. Il y a... Voilà, parce qu'il y a plus d'argent qui doit sortir, je pense que... Mais bon, tant que la culture existera, je pense qu'on vivra dans un monde meilleur. Donc ouais, ça ah ouais. joue, ça nous aide beaucoup, cette pensée-là. Quoi. C'est vrai, c'est vrai. Si tu étais un autre individu... Là, c'est difficile. Hein. Non, je trouve pas. Ok. Charlie Chaplin. Oh. Allez. Aimes-tu le cinéma? Oui. Tu dois avoir un rêve, c'est de jouer un jour dans un... Pourquoi pas? Mais c'est pas ton inspiration première. Tu es une fille de théâtre ou tu n'as jamais été appelée pour faire... Les deux. Ok. Voilà, j'ai cherché hein, dans le cinéma. C'est assez difficile d'y entrer dans ce milieu-là. Après, moi, je préfère l'instantané. Du théâtre, malgré okay. tout. Okay. Peut-être, le théâtre vivant. Voilà, là, parce maintenant. Que le cinéma, il faut être bon à une ouais. prise. Sauf que tu peux la reprendre et on peut fois. La faire plusieurs fois. Ouais. Au théâtre, c'est tous les soirs, ouais, c'est ouais, tous ouais. les jours qu'il faut être bon et ça dépend ça du public. Et ouais, c'est, on joue jamais la même chose. Et puis d'avoir les réceptions du public, c'est quand même hyper enrichissant. Quoique, une fois que le film est fait, tu peux entendre aussi des critiques ou des analyses. Oui. Mais quand on va voir un film, on n'a pas les comédiens qui sont là direct. Ah non, on peut pas là, on échange. Ce que j'aime oui. vraiment, c'est qu'on peut échanger avec les spectateurs qui nous attendent à la sortie. Et c'est magique, quoi. Est-ce que ça arrive ici, comme à Québec, il y a un théâtre Labordé. Il y a une représentation dans la semaine, c'est le vendredi. Ou après la pièce, on peut discuter avec l'auteur, avec les comédiens sur la pièce que l'on a vue. Est-ce que ça arrive souvent ici? Alors, on en propose. C'est mon pièce préférée en passant, je suis tout le temps souvent là. On en propose, tous les théâtres et tous les spectacles ne le font pas. Cette année pleine lune rose, triangle des Bermudes. Je vais rimer latitude, solitude et incertitude. Entre les surprises parties, tu m'as surpris. T'es parti. Seul je suis fort dans cette jungle, ça me rend dingue. T'es parti. Je fais un vœu. Le feu d'un duel, le soleil. Je rêve d'un duel avec toi. Et au piège où tu te rends. Que duel avec toi. L'horizon s'éclaircit, sublime. Le soleil s'est levé. Dans le rôle du rebelle des sables, enfin tu apparais. Défiant toutes tes attitudes dans les dunes cachées. Je ne te laisserai aucune chance. Pas de chance. Je fais un vœu, le feu d'un duel, le soleil. Je rêve d'un duel avec toi, en haut de la falaise. contre moi. Choix des armes. Arme blanche. Ta préférence. À ta guise, ton regard qui s'aiguise. Insolent. Je fais un vœu. Le feu d'un duel de soleil. Je rêve d'un duel avec toi. En haut de la falaise rebelle. Provoquer duel avec toi. Me donner la fièvre au soleil. Au sommet de la falaise rebelle. Je veux un duel avec toi. Et prise au jeu, tu te rends. Duel soleil contre moi. Duel soleil contre moi. Duel. Duel soleil contre moi. Duel. Duel soleil contre moi. Duel. Duel soleil contre moi. Duel. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.